Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Eh bien, bonsoir à tous. Salut, c'est Harry sur RLM 107.9, comme tous les mardis soirs dans l'émission 120 au compteur, avec ce soir, avec nous, évidemment, Onissa. Hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, les garçons. Eh bien, oui, très bien. Mais dis donc, ta voix nous a manqué la semaine dernière. Oui, je suis désolé, j'ai eu à la plus dernière minute. Bon, en tout cas, on est content de te retrouver ce soir. On va te retrouver ce soir sur une rétrospective sur un feuilleton assez connu des années 80. Oh, ouais. Ouais, que tout le monde. Ouais, je crois que vous en rappelez, effectivement. On va dire canon. Hein ? On va dire canon. Ah bah, allez, vas-y. Allez, une piste. Bah, mais là, tout le monde va le savoir. Alors, ok. Ah ouais, c'est ce que j'ai dit. Nous n'en dirons pas plus, hein. Tout à fait, Thierry. je dis ça parce que justement, on n'est pas très loin du stade de Moucron. Il va y avoir tout un match. Oui, Thierry. Il va y avoir donc un match d'ici quelques minutes. Donc c'est comme ça. Ah là là, ça va être un match épique. Oui, ouais, voilà. Mais cela ne nous regarde pas. Ceux qui nous regardent ce soir, c'est l'émission 120 au compteur. Vous l'avez compris. Et nous sommes avec Onissa et également Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, et comment ça va? Très bien. Oh là, ouais, non, fait... pas trop non plus. Hein. Ah non, mais il fait beau. Et il fait chaud. On est enfermé dans un studio. Oui, il c'est vrai. Voilà. Mais il fait chaud. Mais il fait très bon dans le studio. Donc, oui, c'est vrai. Voilà, on a c'est de la clim. Voilà, et puis on a beaucoup de boissons. On a un frigo qui est plein. Oui. Plein non, mais ça va très très bien. En plus, aujourd'hui, c'est jour férié en France. Oui. Donc ça ne peut qu'aller. Ah bah oui, complètement. Alors Sherlock, évidemment, ce soir, on te retrouve pour les sorties ciné. Oui, à 21h30, voilà. Mais avant, à 21h, ce sera pour le rétro-ciné, où je reviendrai sur un film de l'année, alors il me semble que c'est l'année 1985. Ah, je vois le titre à travers, jamais. Ah, non, triche pas. Hein. C'est ça, 1985. Ok, ça marche. Alors évidemment, nous aussi, de notre côté, on va vous parler de plein de choses. On a été surpris, évidemment, par la disparition de Morane. Eh oui, Morane qui nous a quittés lundi soir. Voilà, donc donc on va faire un hommage, on va dire un pré-hommage, on en fera un plus important la semaine prochaine, puisqu'on a été un peu pris de court, quoi, parce que franchement, ouais. C'est une drôle de nouvelle, ouais. Morane que vous connaissez évidemment, donc on parlera de Morane. On parlera aussi également d'activités qui vont avoir lieu donc autour de la radio. Il y a effectivement donc il y aura un concert qui aura lieu pas très loin d'ici, à deux pas d'ici. Il y aura aussi également Rêve de musique. On en reparlera aussi, oui, voilà, qui aura lieu samedi. Et puis je vous parlerai aussi d'une audition pour une troupe de comédie musicale donc en France. Et puis si vous de votre côté, si vous avez envie de nous faire part d'une activité, d'une idée sortie, ou si vous avez un com à nous envoyer, ben surtout n'hésitez pas sur notre page officielle, donc 120 au compteur, sur la page Facebook, bien évidemment. Ah oui, avec plaisir là. Avec plaisir. Allez, et on se retrouve tout de suite après ça en hommage à Morane. Dans des sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. 107.9 FM. RLM. 120 au compteur, évidemment, comme tous les mardis soirs. Et vous le savez, maintenant, vous commencez à prendre l'habitude. On sait que vous êtes de plus en plus à nous écouter. Donc 120 au compteur avec Odissa, qui est avec nous, évidemment. Hello. Avec Sherlock, le beau Sherlock. Alors, effectivement, on le disait en préambule de l'émission, hein, on a une perte, une véritable voix belge, Morane, qui nous a quittés lundi soir. Alors, on est vraiment... surprise, ça a été une mort subite. Ouais. On l'a retrouvée, effectivement, dans son hôtel, hein, c'est ça. Dans sa maison. Lundi matin, je pense. Lundi soir. Donc on va lundi soir. Ouais, c'était lundi soir. Ouais. Le 7 mai. Donc effectivement, c'était lundi soir. Et donc effectivement, c'est une sacrée surprise parce que évidemment, on s'y attend jamais. Mais là, bon, en l'occurrence, elle était en concert quand même. Oui. En plus, dimanche était en concert en hommage à Brel. Absolument. Oui, c'est ça. Et voilà. Et donc. Ça a été vraiment un choc. Pour la petite mémoire, effectivement, elle avait démarré. Dans les années 80, en 89 exactement, dans Starmania, et où elle jouait le rôle de Marie-Jeanne. Elle chantait donc La serveuse automate. Je sais pas si vous vous rappelez, très très belle chanson. Et elle avait démarré comme ça. Et elle avait dû stopper effectivement la saison de Starmania, puisque elle se lançait dans sa carrière, qui n'a pas démarré sur des chapeaux de roue au début. Hein, et on l'a surtout. Connue avec son titre Toutes les mamas, ça a démarré là-dessus. Et puis après, elle a fait plein de duos, plein de succès. Elle a fait des duos avec Eddie Mitchell, vous saviez ça? Ah non, ça j'ai pas. Si, avec Fugain. Et bien sûr, avec Lara Fabian. Oui. Voilà, alors j'ai oublié le titre, mais toi tu l'as évidemment. Tu es mon autre. Voilà. Elle est super. Elle avait également participé aux Enfoirés. Oui, exact. Pour les Restos du Cœur, et elle a fait plein de choses. Elle avait épousé aussi, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Pablo Villafranca. Ils étaient mariés, ils ont eu un. C'était dans les 10 commandements, Pablo Villafranca. Il chantait Ma peine maximum, là. C'est ça, voilà, très, très bon chanteur. Ils ont été mariés pas longtemps, en fait. Hein. Je pense que ça a été 2 ans. Ils ont eu une petite fille qui s'appelle Lou. Voilà. Et ils ont continué à travailler. D'ailleurs, Pablo Villafranca faisait les chœurs sur certaines de ses chansons. Donc voilà. On vous passera quelques titres, évidemment, de Morane tout au long de l'émission. Mais on fera un hommage un peu plus cossu la semaine prochaine. Ok, bah ça marche. Non, il n'y a pas de problème. Je finirai par tuer mon autre, je pense, l'émission. Parce que c'est vraiment. Pourquoi tu veux le tuer? Qu'est-ce que tu as fait? Mais non, elle est magnifique cette chanson. Non, mais c'est vrai que ça l'a remis aussi, je pense, sur le devant de la scène à un moment où on l'entendait un petit peu moins. C'est possible, elle avait une voix particulière, c'est vrai. Oui. Elle a une voix rauque et un peu jazzy. Ouais. Ça elle avait fait un bel hommage à Nougaro d'ailleurs. Elle reprenait les chansons de Nougaro pour fêter les 80 ans justement de Nougaro. Enfin, il était mort à l'époque évidemment. Et elle a d'ailleurs préparation d'un album 14 titres de Jacques Brel en hommage à Jacques Brel. Voilà, donc certainement on aura la sortie d'un album posthume d'ici. C'était prévu cet été, je crois même d'ailleurs. Ma mémoire est bonne. Ouais, on aura peut-être droit à cet album si jamais ça a été mixé. Oui, normalement il était. Je pense que il était en phase finale. D'accord. Okay. Elle faisait commençait la promo là, donc. Ok. Ouais. Dans une voiture volée, près d'une villa bidon sur une zone en danger. Terrain vague amarré à la cité romaine, comme un fou décoiffé déshabille une reine. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. L'amour sur le parking des anges. métier. Mais ce soir c'est la menthe d'un garçon recherché. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. La folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Sur le parking des anges, deux anges au petit jour. On fait l'amour. C'est donc Marc Lavoine avec le Parking des Anges que l'on vient d'écouter. Maintenant, on va écouter Onissa. Oui, alors moi, je vais vous parler de l'agence Tourisque. Ça rappelle bah oui. Souvenir quand même. Ah bah oui, bah, complètement, bien sûr. Alors, la première diffusion, ça a été en 1984 sur TF1. Et vous savez comment ça a été créé, l'agence Tourisque? Non. Non, bah, non plus, je ne le savais pas. Donc, C'est pour des jouets, non? Non, en fait, c'est pendant la guerre du Vietnam, le chef hiérarchique donc de ce qu'allait devenir tous les membres de l'agence Tourisque leur demande en fait de voler la banque de Hanoï pour arrêter au plus vite la guerre du Vietnam donc, et précipiter la fin de la guerre. La mission est un succès parce que bah, c'est une équipe de choc, donc nickel. Le seul problème, c'est qu'en fait, à la fin de la guerre, les Viet Cong, 4 jours après, assassinent le général qui avait donné l'ordre. Donc, il n'y a pas de preuve comme quoi ils avaient eu l'ordre. Donc, toute l'équipe est condamnée, jugée, condamnée et emprisonnée pour... C'est l'un des premiers épisodes, ça ? C'est le début, le tout de la... Je ne me rappelle pas du tout. Oui, moi non plus. Et en fait, ils s'évadent et ils décident en fait de défendre la veuve et l'orphelin tous ensemble. Et ils vont passer toute leur vie à faire ça en fait. Ah, je ne sais même pas la genèse de... Bah, moi non plus. Ah ouais. Non, mais je trouvais ça vachement intéressant. Je pense que je ne l'ai jamais vu en fait, le début de la série. J'ai dû jamais le voir. Bah non, moi j'ai aucun souvenir à l'étude de la série. Ah, mais pas du tout. Et d'ailleurs, je me suis jamais posé la question pourquoi ils étaient tout le temps poursuivis en fait. Ils étaient hors la loi, mais on savait pas trop pourquoi. Ouais, moi, je pensais qu'ils étaient juste déserteurs. Moi, j'avais compris qu'ils étaient juste déserteurs. Je me suis même pas posé la question, je pense. Oui, voilà, c'est ça. À l'époque, on était plus jeunes aussi. Hein. Oui. Mais c'est vrai que on n'a pas imaginé le pourquoi du comment ça a démarré comme ça. Mais si, en fait, c'est une équipe qui travaille ensemble et ils ont été condamnés, jugés pour le vol de cette banque. Pour précipiter la fin de la guerre, mais comme il n'y avait aucune preuve, ils ont été condamnés. D'accord. Donc voilà. Donc. Ok, ça marche. Je vous raconterai la suite après. Ouais. D'accord. On a hâte. Do toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et donc c'était donc Quarter Flash avec Arden. Perdu, ouais, bah oui. T'es perdu. C'est parce qu'on c'est pas un titre qu'on entend souvent. Donc non, c'est Quarter Flash avec Harden My Heart. Oh, bel accent. Ouais, merci. Beautiful accent, Tino. Thank you. Alors, en parlant de bel accent. Ah ouais. Hein, on dit ça. Donc tu nous parlais évidemment donc de l'agence au risque. Oui. Alors dites-moi un peu les personnages si vous les connaissez. Ah bon, dès qu'il Maya Hannibal. Ah bah oui, forcément. Hannibal qui ouais. En sautant une clôture a changé de sexe et il s'est fait appeler Annie par contre. Oh, arrête. Il a perdu ses balles. C'est ça, il a perdu ses balles. Oh là là. Ah non, tu l'as fait, celle-là, t'as osé. Bah écoute, ouais. Tu oses faire celle-là. Bon, donc alors okay. Hannibal, lui, c'est le colonel John Smith et c'est le surnom en référence au général Cattaginuo. Ouais. Donc lui c'est le cerveau vraiment de toute l'équipe, c'est un tacticien hors pair, mais par contre il est hyper protecteur avec toute son équipe et c'est le seul qui sait vraiment canaliser Barracuda. Toute l'équipe. Non, Barracuda. Non, Barracuda, ouais, effectivement. Ouais, et puis il adore qu'un plan se déroule sans accro. Sans accro, ouais. Effectivement. Par contre l'avantage de l'agence Tourisque, c'est qu'il n'y a jamais de mort, à part un épisode où il y a un mort. Donc il n'y en a pas jamais. Non mais sinon c'est vrai que et jamais de blessé grave. Quand tu vois ils se battent. On ne sait pas parce qu'après il meurt des séquelles ou. Oui mais ça ils le disent pas. L'épisode il est fini avant. Non c'est vrai qu'à l'époque quoi, c'était pas. Okay. Bon alors après qu'est-ce qu'il y avait looping. Looping. Looping oui ah, oui. Le fameux looping. Eh oui. Alors lui qu'est-ce qu'il a de spécial. Bah, il est un peu schizophrène. Non ouais il est un peu. Ouais cinglé, lui il est interné en hôpital psychiatrique. Mais souvent il est pilote. C'est lui le pilote. Ouais, il sait tout piloter, lui, c'est un truc de fou. Ouais. Par contre, il parle avec. Pour lui, tous les objets sont habités. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Il a un chien. De quoi ça me rappelle quelqu'un, c'est moi tout. Pourquoi non. Parce que je te regarde. Je sais pas. Oui, alors. Ouais, il s'appelle comment son chien. Ah, parce qu'il a un chien. Ah, oui, oui. Un chien invisible. Hein. Ouais, il a un chien invisible en plus. Ouais, ouais, parce qu'il tire une laisse à un moment, je me souviens. Ah, bon, je sais pas. Mais je sais plus du tout. Billy. Ah, oui. Ouais, ça c'est. D'accord, ah, ça me rappelle rien. Et alors, il parle plusieurs langues. Il parle toutes les langues. Ah, oui. Ah, oui. Il parle le chinois, l'espagnol, l'italien, le vietnamien, le sachili. Enfin. Et alors. Pas du tout. Ah, oui, si, il parle vraiment. Et alors il a un don exceptionnel pour imiter toutes les voix. C'est lui en fait qui se fait passer pour. D'accord. Ah bon. Vous souvenez pas ça. Non, pas du tout, non. Non, non, je me souviens de son côté complètement cinglé et puis le fait qu'il soit, il soit toujours en train d'embêter Barracuda. Oui, mais. Et quel est le point commun entre justement Looping et Barracuda. C'est deux hommes. Ben l'avion. Non. Parce que lui il pilote et l'autre il déteste les avions. Ah il a la phobie de l'avion. Ouais. Non, ils ont le même groupe sanguin d'ailleurs lors d'un épisode. Ah oui exact. Ouais. Exact. C'est Looping qui doit lui donner de son sang parce que. Il va lui sauver la vie ainsi. Ok. C'est vrai. AP négatif. Bon alors qu'est-ce qu'on a encore comme. Oh, futé. Oui futé Templeton Peck. Yes c'est bien. Lieutenant Templeton Peck. Alors lui c'est quoi. C'est le beau gosse de l'équipe. Oui un peu super dragueur. Ouais. Il y a un succès énorme. Et lui il a comme particularité. C'est un homme. Ah ouais mais c'est bon on dirait qu'il n'y a pas trop que des écoute je sais pas. C'est le roi du déguisement non. Non ça c'est Hannibal Smith. Ouais. Non lui il est capable d'avoir tous les renseignements possibles. Ah ouais. Même les plus confidentiels ici et là. Et alors, il est expert dans toutes les ouvertures de serrures et de coffres. Ok, d'accord. Vous vous souvenez pas de ça ? Non, pas du tout. C'est vraiment. Après, enfin, je me souviens des traits plus ou moins grossiers qu'on retient le plus facilement. Mais tous ces petits trucs-là, je me souvenais plus. Pas du tout. Non. Ah ouais, non. Et alors, après, qui est-ce qu'il y a encore ? Il y a une fille. Il y a une femme. Vous avez oublié le personnage quand même, le personnage quoi. Ah bon, parce qu'il y en a. Bah, Barracuda. Ah bah quand même. Ah bah oui, c'est vrai. Barracuda. Mais c'est parce qu'on en parle depuis tout à l'heure avec lui. Dit-il en me regardant. Alors lui, par contre, c'est un ancien sergent de la police militaire. D'accord. Ah oui. Donc c'est quand même ça. Il est capable de réparer tout ce qui est mécanique. Ah oui. Et c'est un conducteur hors pair. Il a la phobie de l'avion, alors c'est un truc de malade. Oui. Il ne boit jamais une goutte d'alcool, que du lait. Ouais. Tu te souviens de ça quand même ? Oui, ça je me souviens qu'il boit que du lait. Ah bon. Et alors en fait, Sa mère le surnomme Barbuda. Douceur. Ah bon? Je sais pas. Parce qu'il s'occupe de tous les enfants défavorisés et dans le feuilleton. Ah oui, oui, avec une douceur impressionnante par rapport au personnage et quand on voit Max sur pattes et tout ça. Je m'en rappelle pas de tout ça. Si, si, il est vraiment... Ah ouais. C'est un gros nounours, quoi, en fait. Hein, Ok, et il y avait une fille. Oui, qui s'appelle Amy Amanda Allen, dit triple A. Ah, pourquoi? Bah, Amy Amanda Allen. Ah oui, ah, oui, oui, d'accord. Merci, il y en a un qui suit. Oui, bah pardon. Parce que c'est aussi les andouillettes, il y a les triple A aussi. Hein. Elle est... elle est journaliste et en fait, elle intègre l'équipe après avoir justement fait appel à l'équipe pour régler une de ses affaires à elle. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Qui est assez mignonne, je crois, de mémoire. Ah oui, oui, bah... on va pas mettre à ton non plus. Hein, Bah, si, pourquoi pas. Bah, parce que c'est ce que les Américains veulent montrer de... De l'Amérique, justement. Bon, d'ailleurs, c'est un peu le stéréotype. Hein. On met un blanc, un noir. Il y avait un peu toutes les nationalités un peu américaines dans l'agence touristique. Hein. Et pour en revenir à Looping, c'est le seul membre de l'équipe qui n'est pas recherché par la police militaire. Ah, ouais, bah lui, il est en hôpital. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Et après, on va parler des méchants. J'ai d'un coup, c'est vrai. Après. Oui, oula, après. Ça marche. Et on revient. On revient après ça, alors. Yeah. toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et on est revenu à l'antenne, donc c'était les Rita Mitsuko avec C'est comme ça, et Onissa va nous parler maintenant des méchants de l'histoire. Oui, alors est-ce que vous vous souvenez des méchants qui poursuivent alors, sans arrêt? Rappelle-nous les méchants de quelle histoire? Ah oui, c'est vrai. Ah, et pour ceux qui viennent de oui. nous rejoindre, ah, bah oui. Tant pis, vous avez loupé les gentils. Ouais, bah voilà, il y en avait beaucoup des méchants. Bah non, il n'y en avait pas tant que ça. Ah fait, non, je vois. Non, des méchants, je parle de... qui poursuivent, ah oui, poursuivent. L'agence. Donc, bah, je parle c'est de l'armée américaine, mais il y a... Ah oui. Donc il y a le colonel Derek Lynch. Lui, c'est le commandant de la prison dont l'équipe s'est échappée. D'accord. Donc, il y a la haine, hein, quand même. Alors, Lynch en anglais, qui veut dire lynchage, pendaison, tu vois. Donc, ça a peut-être un sens aussi. Ah, peut-être. Après, il y a le colonel Roderick Decker. Lui, c'est le second colonel qui essaye d'arrêter l'agence. Mais alors, pas avec beaucoup plus de succès que... Oui. Okay. Le premier. Ensuite, il y a le capitaine Crane. Lui, c'est le capitaine de l'armée américaine qui seconde le colonel Decker. Donc, il croit aussi qu'il va arriver. Mais ah, ça me dit quelque chose, ça, le colonel Decker. Ah, ça y est. Oui. Ouais, ouais. Carré Decker. Ou Black et Decker, comme c'est vous ça, voulez. Voilà, voilà. Mon Dieu, mon Dieu. Moi, je crois que c'est pas vous. Hein, on a perdu des auditeurs, là, c'est clair. Mais non, mais non. Mais on a récupéré des bricoleurs. Ouais. Bon, après, vous me dites pas aucun nom, le colonel. Mais non, parce que je me souviens plus. Bah non, attends, mais Briggs. Comment veux-tu ça date de quand déjà 85. Bah oui, bah oui. Alors, c'est aussi un colonel qui essaye de les arrêter, mais il n'y a pas moyen. Après, t'as le général Arlon Fulbright, dit Bull. D'accord, Bull. D'accord, Bull. Bull. Ouais, je sais pas, comme le taureau. Ouais, les boules. Ouais. Alors lui, c'est la particularité de ce général-là, c'est qu'en fait, il veut absolument arrêter l'agence comme tout le monde, mais à un moment, il doit faire appel à l'agence. Donc il voyage avec eux ici et là, et il finit par être plutôt... pote. Pote, ouais, il se rallie un peu leur cause en fait. Ouais, c'est ça. Il comprend quand même l'utilité de leur action. Mais ça, c'est qu'à la fin de la quatrième saison. Hein, donc, il y a eu combien de saisons en tout? Oh, je ne sais pas. D'accord. Il y a eu. Il y a le printemps. Mais qu'il est con, c'est pas possible. Et en fait, le général Bull, il se rallie à leur cause parce qu'il l'aide à rejoindre sa fille qui est au Vietnam. Donc, D'accord. Il gagne. Et alors, il y a un général hyper important, c'est le général Hunt Stockwell. Ah, ça me Stockwell, ouais. Ça me dit quelque chose. Ouais. Alors ça, c'est à la fin, en fait. Le général... C'est pas Stockwell. Dean Stockwell? Non. Non, c'est Hunt. Ah non, Dean Stockwell, c'est un acteur. Ah, d'accord. C'est celui qui jouait le pote dans... Very Bad Trip. Mais non, le pote de Scott Bakula dans... Oula. Ah oui. Dans Code Quantum. Ouais, c'est ça, ouais. Donc alors lui, en fait, c'est le patron de l'agence de la dernière saison. Et lui, en fait, il fait appel à l'équipe et il demande justement de bosser pour le gouvernement des États-Unis. Et en contrepartie, ils seront enfin libres. D'accord. Okay. Et ça, c'est la fin alors. Et c'est la fin. Comme ça. Donc à la fin, ils sont libres. À la fin, ils sont libres parce qu'ils acceptent, après négociation, de travailler pour l'État, pour le gouvernement des États-Unis. Et ils gagnent leur liberté comme ça. Ils regagnent leur galon, en fait. Alors, moi, je voudrais dire une chose quand même. Bon, très belle chronique. Vous là-bas, c'était très bien. C'était très bien. Ouais, non, c'est mais... ça. Tu te fais ma tête là ou quoi? Non, mais pas du au tout. Au moins, t'as appris des choses. Non, mais il y a eu. Non, mais il y a un truc que je déteste et vous le savez, c'est à chaque fois les remakes. Il y a eu un remake. Il y a eu un film qui a été fait. Hein, oui. Oh là là, mon avec Dieu. Liam Neeson, avec. Ouais, mais non. Oh là là, c'était une catastrophe. Je sais pas ce que on avait pensé, mais waouh. Ouais. Wow. Je vois rien moi comme film. Non. D'accord. Ouais. Non, voilà. Donc, moi, je l'ai vu. Effectivement, c'était pas top. Non. Non, il y en a certains. Je suis désolé, nos images d'enfance, ça reste. Ah oui, oui, oui. On n'aime pas qu'on touche à nos trucs, quoi. Le film en lui-même était assez mauvais, les acteurs étaient assez bons, par contre. Donc, oui, c'est oui. Un peu spécial, ouais, quoi. Oui, mais on se réfère toujours à nos. Oui, acteurs ouais, forcément. À nous, bah, ils ne pouvaient pas reprendre les mêmes. Hein. Hannibal Smith est décédé, donc. Un peu mort aussi, je crois. Non, non, du tout. Attends, du tout, t'enterrais les gens. Il est pas mort. Non, il est pas mort. Mr. T n'est pas mort. Non, il est pas mort. Il a eu un cancer pendant des années. Il en est sorti. Ah oui, parce qu'il voit beaucoup de mais. N'importe quoi. On va pas donner des fausses idées aux gens. Après, les gens vont boire du lait pour arrêter le cancer. Mais non, j'ai pas dit ça non plus, faut pas exagérer. C'est quand même mieux qu'un verre de vin, quoi. Oui, forcément. Non, mais il en est pas mort. Mais c'est vrai que ben, sans Hannibal, déjà le vrai Hannibal, c'est plus le même. Si tu refais un film avec... avec les mêmes acteurs, et puis Barracuda il a vieilli, et puis aussi pimpant qu'à l'époque. Non. C'est clair. Bon, allez. En tout cas, merci. Merci pour cette belle rétrospective sur un feuilleton qui nous a forcément marqué et qui vous ont marqué, bien évidemment. Si vous voulez, nous balancer un petit com sur ce feuilleton-là, si vous avez aimé ou pas aimé, ben surtout n'hésitez pas. Comment fait-on? Évidemment, on va sur notre page Facebook. 120 au compteur. Voilà. Sur RLM 107.9. C'est ça, attention. Ouais, effectivement. Vous cliquez sur j'aime pour la page, vous nous laissez un petit commentaire, et puis on vous répondra de toute façon. Gentil commentaire. Hein. Ouais, bah ouais, ce même serait mieux. Méchant, moi j'aime bien. Ouais, bah oui. Ouais, mais pour même vous, si pour c'est méchant, moi j'aime bien. Pour la mienne, non, quand même. Ah oui. Bon, allez, on se retrouve ils après sont ça. Prêts. I got gotta go, American woman. Yeah. Dernière sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Et oui, et donc on se retrouve dans 120 au compteur, c'était Lenny Kravitz avec American Woman. Ouais, alors attends, Eodie, ça est en train de nous dire, mais c'est quoi cette chanson, elle aime pas. Je n'aime pas ce titre-là. Mais enfin, dites donc, allez-tu. Mais oui. Alors, on vient d'entendre une voix, justement, oui. Une voix supplémentaire. Contestataire, en plus. Voilà. Kravitz, on a une guest avec nous, qui s'appelle Marine. Alors, Marine, bonjour, qui... Bonsoir Marine. Bonsoir Marine. Qui alors je ne sais pas, j'ai ouï dire qu'en fait elle était pas très loin de la radio, qu'elle tournait un petit peu autour de la radio pour peut-être un jour faire une émission, un jour très très proche, n'est-ce pas, c'est cela? Peut-être. Alors raconte-nous un peu, alors mais comment tu arrives ici sur RLM, pourquoi t'as envie de faire de la radio? Eh bien, je sais pas, comme ça, Parle bien dans le micro par contre. Pardon. Si tu veux faire de la radio, il faut parler dans le micro. C'est vrai. Et regarder Sherlock en même temps. Ouais. Ouais. T'as un tortue. Ouais. Elle est blonde, attention. Bah, j'écoutais tout le temps RLM, tout ça. Donc, bah, j'ai un jour envoyé un message pour savoir s'il y avait possibilité de faire partie de la radio. Puis on m'a dit de venir il y a 2 semaines. Ouais. Et... et me voilà aujourd'hui. Bah oui, parce que moi j'ai eu l'occasion de t'écouter, parce que j'ai écouté que le podcast, puisque bah voilà, j'ai pas pu venir en direct pour des raisons professionnelles. C'est ça, on s'est loupé. Non mais c'est vrai, ouais, j'ai entendu cette voix, la voix de Marine, j'ai dit mais tiens, dis donc, c'est une très très belle voix, je ne savais pas qui t'étais. Et donc je découvre aujourd'hui qu'effectivement peut-être que derrière la voix il y a un physique. Oui, non mais ça c'est sûr, c'est évident. Bah oui, d'ailleurs vous seriez étonné hein, si vous voyiez le physique de Onissa. C'est pour ça que je fais la radio. C'est vrai qu'on a un physique de radio plutôt. Voilà, c'est ça, on va tout avoir. Mais effectivement, donc on risque peut-être, hein, on va pas s'avancer, de te retrouver donc dans une émission prochaine sur l'antenne de RLM, c'est ça? Tout à fait. Avec une thématique particulière? Non. Ah non. C'est pas encore défini. Plutôt musical? Oui. Ouais. Quel style de musique? Lenny Kravitz. Surtout, oui. Ouais. Kravitz, bah, moi je suis plus genre Lenny Kravitz, Santana. Bah, ah oui, tout, ah, mais c'est de tout, parce que Santana, ça date aussi quand même. Ouais. J'aime vraiment tout. Donc, Santana, il est revenu dans les années 2000. Hein. Oui, oui, avec le rappeur, là, ou je sais pas quoi, ouais, Maria ça. Maria. C'est ça. Bah, oui, oui, bien sûr. Mais alors, on l'a connu, on le connaît quand même plus. Oui, depuis les années 60, et puis, 70, ouais. Absolument. Et bah écoute. Pour l'instant, on va pas encore te dire bienvenue sur les ondes de RLM, puisque c'est pas encore acté, mais on aimerait bien, nous. Hein, bah oui, bien sûr. Une voix féminine sur les antennes, sur l'antenne de RLM. Oui, ça change. Une vraie, hein, on dit ça. Une vraie voix féminine sur l'antenne de RLM. Moi, j'ai une voix roca, je suis désolé. Ouais. Eh ben, écoute, on va se retrouver juste après, puisque tu vas nous parler, évidemment, du film de 1985. Exact. C'est bien, tu as retenu la date. Ah, c'est bien, Marine a participé aussi. Oui. Ah oui. Évidemment. Je l'ai trouvé, du coup. En 1985, elle n'était pas née. Mais elle l'a peut-être déjà vu, parce qu'il est déjà passé à la télé. Je connais Bonaparte, j'étais pas né, moi. C'est vrai? Bah oui. Tu peux m'avoir un autographe? Eh oui, en parlant de Bonaparte, j'ai appris un truc, là. Ah, vas-y. Pourquoi, lui, il mettait son chapeau dans ce sens-là? Ouais, alors, il faut que t'expliques, là, parce que c'est pas très radiophonique, ce que tu dis, là. Ouais. Son bicorne. Son bicorne, en fait, il le mettait... Pas de face, il le mettait de côté. Oui, voilà. Enfin, ouais. Il le mettait horizontal. Je sais pas. Si, si. Non, je sais pas. Et c'est le seul qui portait son chapeau comme ça. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les hommes de l'armée le mettaient dans l'autre sens, et comme ça, il était reconnaissable partout. Et on d'accord. savait que c'était lui. Sauf s'il regardait à droite ou à gauche. Non. Bah si, parce que de ce temps, je le voyais plus. Allez, non, parce que quand il regardait d'un côté, il ne tournait pas complet. Quoi. Il détournait juste le regard et un peu. Alors, rappelons effectivement que Onissa a eu une relation avec Alain Decaux. moi, j'ai des relations. Ouais, allez, bon, on se retrouve après ça. Que ça vient. j'écris. D'écouter Terry Moïse avec les poèmes de Michel. Alors Terry Moïse qui est décédé en 2013, qui nous a quitté, le 7 mai. Ah c'est vrai. Ah ouais, le 7 mai 2013. Si, très jeune d'ailleurs. Elle s'est suicidée, il me semble. Elle s'est suicidée, ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Mais je pense que c'est parce qu'elle faisait la traversée du désert et ça a été un peu compliqué pour elle, je crois. Bah, elle a été pas mal connue dans les années 90, je pense vers 96, il me semble. Les poèmes de Michel, ça date de 96. Elle avait ressorti un autre titre qui s'appelait Je serai là. Ouais. Et c'est vrai qu'après, on n'en a plus entendu parler. Elle était américaine d'origine, elle est née aux États-Unis. Donc, à mon avis, elle a fait peut-être une petite carrière là-bas. Mais après, ici en France, on n'en a plus vraiment entendu parler. Ouais, c'était bien triste, bien triste. Alors, Onissa fait des gestes, je ne sais pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu veux avec tes doigts là? je crois qu'elle fait des gestes parce qu'elle voudrait savoir ce que c'est le film dont je vais 1985, vous parler. 1985, évidemment. Oui, 1985. Parce que sinon, lui, il voit à travers les papiers. Non, moi, je ne vois pas à travers, je ne regarde même pas. Je l'ai fait exprès, je n'ai pas mis ça derrière. Alors, on va en profiter. Alors, déjà, tu vas nous rappeler, évidemment, le principe du rétro-ciné. Et puis, on va en profiter. On va demander à Marine de participer aussi, également, hein, qui est avec nous. Alors, rappelle-nous un peu, Sherlock. Alors, donc, le rétro-ciné, c'est un film que j'ai regardé cette semaine et que je vais essayer de vous faire deviner. Donc, là, en l'occurrence, c'est un film de 1985 et plus précisément du 27 novembre 1985. Alors, pour vous donner des petits indices, je vais vous donner soit des extraits du film, soit des musiques qui ont rapport avec le film. Et je vais peut-être commencer tout de suite avec le premier extrait qui est la cantate de Bach, la numéro 147. Écoutez. Ah bah oui, évidemment. vous êtes toujours sur RLM, hein, je vous rassure. Effectivement, c'est vrai que ça peut porter à confusion. C'est là qu'à ce moment-là, tu fais oulou oulou. Alors, est-ce que ça vous parle un petit peu? Est-ce que c'est un film d'époque, justement? Enfin, c'est un rapport avec la musique? Pas du tout. D'accord. Tu nous rassures. Pas du tout. Marine, alors, une idée? Alors, tu donnes pas la réponse, hein, il faut que tu nous mettes sur la piste, ouais, évidemment. Hein. Essaye de nous mettre sur la piste si tu as découvert le film. Bon, je pense qu'avec le deuxième extrait, ça, je vais peut-être vous donner quelques noms. C'est Gabriel Yared qui a composé la musique. Et on peut notamment y voir Louis Leterrier, Fabien Ramblier. Fabien Ramblier pour... peut-être que Marine connaît, dans les années fac ou les trucs comme ça, là, avec Justine et Jérôme, tu sais, premier baiser, les trucs comme ça. C'était le petit ami de Justine. Je crois que c'est encore un peu jeune pour toi. Il y avait Philippe Augouze, Jean Rougerie, Jean-Claude Leguet. Et je vous laisse l'acteur principal pour cet extrait, parce que je pense que vous allez le trouver tout de suite. Écoutez. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Moi qui ai toujours cru en toi, qui vais encore à la messe trois fois par an, qui n'ai jamais fait de mal à personne. Mais avoue que tu t'es trompé, que c'est pas moi que tu visais. Hein? L'erreur est humaine. Tu réponds pas. T'es pas fier de ce que t'as fait. Faut dire que t'as rien oublié. Un aumônier abruti, un intendant véreux, une salope, une pute, un pédé, et toute une marmaille de petits merdeux. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je suis? Un incapable. Mais tu t'en fous, t'entends rien. T'es pas là. Si ça se trouve, t'existes même pas. Ah, mais qu'est-ce que... Ah mon Dieu, tu m'as répondu. Je comprends maintenant ce que tu attends de moi. Tu veux me mettre à l'épreuve, c'est ça? Tu veux me montrer le monde tel qu'il est, pour que je l'aide, pour que je le sauve peut-être? Seigneur, si telle est ta volonté, éclaire-moi. Alors, est-ce que ça vous a mis un peu sur... Tu l'as sorti, cette chronique de Derrière les fagots, parce que je l'ai déjà entendu. N'est-ce pas? Ah ouais, c'est... Ouais, ouais, oui, c'est... Évidemment. Est-ce que c'est un rapport avec des selles dans un papier journal. Oui. Oui, c'est la dernière scène du film. T'as vu que la fin du film, en fait. Ah bah non, mais enfin bon, quand même. T'as vu que la fin du film. Marine, t'as dû le voir, ce film. Ça te parle pas? On dit ça? Ça te dit rien? Ah si, si. Ok, alors peut-être l'extrait de dialogue suivant, écoutez bien. Mais vous êtes fous! T'as plein d'enfants ici! Les enfants, repliez-vous, cachez-vous dans l'avocat. Mais vous êtes fous, vous auriez pu blesser quelqu'un. Bande de petits enculés, je vais vous apprendre, moi, à arracher les portails. Non, c'est votre boîte à lettres. Et le poulet qu'on m'a piqué, qui c'est qui va le payer? C'est vous, chef? Oui, je suis absolument navré, je n'ai rien vu. C'est laquelle, votre tante? La bleue, là. Pourquoi? Non, non, non, arrêtez! Je vais vous dédommager. Ça vous dérange pas, si on campe là? Vous allez me foutre le camp, ouais! Oui, d'accord. C'est de bonne guerre. Bon, alors. À l'avenir, dans les prochains extraits sonores, on va mettre des bips, je le dis. Là, c'est pas piquer des verres, hein, quand même. C'est vrai, c'était pour donner un petit peu le ton. Ah ouais. Il a une voix agaçante, cet acteur, c'est terrible. Oui, à l'époque. À l'époque, oui, parce qu'il jouait beaucoup là-dessus. Ah ouais, il était souvent en train de crier. Ah ouais. Vous reconnaissez l'acteur, quand même. Oui, on n'est pas loin là. Tu es sur la bonne voie, effectivement. Ouais. Alors bon, on va s'écouter un petit extrait, ouais, alors qui n'a rien du tout à voir avec le film. Une petite musique et on reviendra après. Je vous donnerai donc vous me donnerez le titre du film et je vous donnerai des petites anecdotes. vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, de retour dans 120 au compteur. Donc c'est la chronique rétrociné où j'essaie de vous faire deviner un film. Et bon là, je pense que vous avez trouvé quand même ce film. Oui, et même oui. Marine, c'est Marine qui a trouvé. Marine, la championne. Voilà, elle nous disait même en rentrée que c'était un de ses films préférés d'ailleurs. Ah, ah oui. Alors vas-y, Marine, on t'écoute. C'est donc le film. Scoot toujours. Effectivement. C'est Scoot toujours. Alors avec avec ce générique, écoutez. Ouais, ça, tu vois, j'aurais pas... Ah, c'est vrai que c'est super gay hein, comme générique. C'est pas du Cosma en tout cas. Non, vachement... non, non, c'est du Gabriel Yared. Ah ouais. Yared de chez Rêve. Je sais pas. Bon. Flip 4 sort de ce corps. Ouais. Alors, donc effectivement, je vais vous donner des petits. Des petites anecdotes par rapport au film. Le film a quand même fait 1 755 081 entrées au box-office français. C'était moi la une. La une. Ouais, c'est toi. D'accord. Je crois que j'ai été le voir au cinéma d'ailleurs. Oh oui, moi je pense aussi, c'est bien possible. Alors, c'est le deuxième long métrage de Gérard Jugnot qu'il réalise seul. Il s'est d'ailleurs inspiré de ses 6 années de scoutisme pour l'écrire. Le premier était Pinot, simple flic. Ah oui. Oui. Qui était sympa quand même. Hein. Moi j'ai bien aimé Pinot Simple Flic. Ouais. Avec Sim. Bon, je sais plus si je jouais si dedans. Il y avait Sim qui jouait dedans. D'accord. Oh, ouais. Donc bon, je vais vous donner quand même un petit peu le pitch du film. Ça se passe pendant l'été. Tu peux le donner entièrement en pitch. Pourquoi un petit peu? C'est pas possible. On l'arrête plus lui. Ouais, donc ça se passe pendant l'été 65. Jean-Baptiste Foucré doit remplacer un impitoyable chef scout. On appelle bien bien fou. C'est un moniteur étourdi et sans grande autorité et il prend en charge un teigneux groupe de jeunes garnements qui ne pensent alors qu'à lui faire vivre un enfer. Bien trop permissif, Jean-Baptiste perd très vite le contrôle du camp. Lorsqu'un des enfants se fait mordre par une vipère, la réactivité de leur chef leur fait tous changer radicalement d'avis. Donc on va les suivre dans leurs péripéties parce que effectivement ils vont vraiment lui en faire voir des vertes et des pas mûres. Pour parler avec des expressions d'Onissa. Donc, mais moi c'est soft et ça passe bien. Donc l'un des jeunes scouts qui est Jackie, qui est interprété par Fabien Ramblier, qui jouera plus tard Jérôme, le petit ami de Justine, dans Premier Baiser. Il devient par la suite réalisateur et spécialiste de la 3D relief. Ah ouais. Un autre des jeunes scouts, Étienne, est interprété par Cédric Dumont, qui sera plus tard Fabrice dans la série Extrême Limite. Pour ceux qui suivaient un petit peu les séries AB Productions. Marine, là, elle a l'air complètement enthousiaste et ça lui rappelle plein de souvenirs. Hein. Je te vois, Marine. Je me doute. Extrême Limite, tu te rappelles quand même de ce feuilleton-là? Alors, Extrême Limite, où il y avait. Ça veut dire oui, je crois. Il y avait également Grégory Baquet qui jouait dedans et qui a joué dans la comédie musicale Roméo et Juliette. Ouais. Et qui jouait Benvolio. Benvolio, ouais. Ouais. Alors ensuite, c'est également la première apparition en tant qu'acteur de Louis Leterrier qui joue Tommy et qui deviendra plus tard le réalisateur du Transporteur, du Choc des Titans ou encore d'Insaisissable. Il sera également acteur dans Valérian, La Cité et La Cité des Mille Planètes qui est sorti le 26 juillet 2017. Nous connaissons plus donc Philippe Auguste qui joue le rôle de Delamotte. Pour sa voix, en effet, c'est lui qui prête sa voix à Patrick Duffy, alias Bobby Ewing, dans Dallas, ainsi qu'à Eric Estrada dans Chips, mais également comme étant la voix française du Capitaine Flamme ou encore de Musclor. Ah ouais. Et ouais. D'accord. Et enfin, Jean Rougerie, qui joue le rôle de Monsieur de Guillemin, le père du prêtre, est connu également pour son rôle dans la série de la fin des années 80, Vivement Lundi. Ah oui. C'était lui le patron de la boîte. Oui, c'est ça, avec les grosses lunettes là. C'est ça, et sa moustache. Et donc, il a également joué avec Sabine Paturel dans le film « Prends ton passe-montagne, on va à la plage » en 1983. D'accord. Sabine Paturel, si tu nous écoutes, eh ben oui. On te salue. Je vais te dire une chose, d'ailleurs, j'ai eu un échange avec elle, avec Sabine Paturel. Oui. Voilà, puisqu'elle sera dans la région, alors je peux pas encore en parler, mais elle sera au mois de juillet très proche de nous. Donc, peut-être que... Allez, on va s'organiser ça, mais entre... deux galas, puisqu'elle va faire deux galas dans la région, ben on aura peut-être la possibilité de faire une petite interview de Sabine. Ça va être sympa. Ah oui, ce serait cool. Ah ouais, ça serait cool ça. Allez, on se retrouve après ça. Et puisque l'on a pour prison C'est sur RLM. RLM. Avec les 10 commandements et la peine maximum, c'était donc Pablo Villafranca, donc qui a été marié avec Morane. Oui, pendant absolument pendant 2 ans et il y a eu une naissance, il y a eu la petite Lou. Donc voilà, donc c'est une façon aussi de faire un petit hommage à Morane, en vous rappelant que ce sera la semaine prochaine où on fera un hommage complet à Morane, évidemment, qui nous a quittés. On le rappelle le 7 mai, donc on l'a retrouvé chez elle. C'est un peu bizarre. On l'a retrouvé dans son lit, ouais. Donc peut-être une crise cardiaque ou je sais pas, trop de surmenage. Il y a l'autopsie, hein, c'est ouais. Qui est en ouais, absolument, absolument. Eh bien, on a avec nous Amandine. Amandine. Non, Amandine, c'était la maman. On t'avait dit de pas dire les noms de tes maîtresses à l'antenne quand même. Amandine, c'est la maman de Booba. Oh là là. Et Frisquette, c'est sa sœur. Oui, c'est vrai. Non, on est. Excuse-moi, Marine, je suis désolé, mais il faut que je prenne l'habitude et j'ai pas de mémoire. Donc, on est avec Marine qui est avec nous et qui nous fait plaisir de sa présence. Et peut-être que vous l'entendrez plus régulièrement sur les ondes de RLM. On croise les doigts. Pour elle. Ah oui, absolument. Ouais. Et nous sommes aussi également avec Nicolas. Nicolas qui est, alors lui, un habitué, évidemment. Des ondes de RLM puisqu'il a une émission tous les lundis. Oui, tout à fait. C'est Excel Foot chaque lundi 19h-20h. Ouais. Donc, on parle essentiellement football avec la présentation de la journée de Ligue 1 qui s'est passée la veille avec les résultats. Et la journée de Pro League, bien évidemment, est le fil rouge de notre émission. C'est sur le Royal Excel Moucron, puisque, comme vous le savez très bien, nos studios sont dans le stade du Canonnier. Donc, on aura prochainement quelques invités du club qui viendront dans l'émission. Mais j'en dis pas plus pour, ah ouais, garde suspense, hein. Pour les prochaines activités qui auront lieu, notamment la nuit de l'Excel qui a lieu le 26 mai. Avec un tournoi ouvert à certaines équipes. D'ailleurs, il reste quelques places pour faire des équipes là-bas. Vous pourrez fouler la pelouse centrale du Canonnier pour faire un tournoi entre copains. Et en plus, dans les buvettes, il y aura la retransmission de la finale de la Ligue des Champions entre le Real et Liverpool. Yeah. Ah, bien, bien. Alors, ce soir, il y a un match, justement, rappelons-le. Oui. Moi, je ne m'y connais absolument pas, mais bon, il y a l'Excelsior, c'est ça ? L'Excel Moucron. L'Excel, pardon. L'Excel Moucron contre ? Contre le Lyrs, SK Lyrs, donc un club de D1B qui est sur la voie de la disparition puisqu'ils sont en liquidation judiciaire. C'est triste, ça. Les joueurs jouent les trois derniers matchs et après, finis en division amateur. Ah. Ils auront plus la licence professionnelle, donc... Donc là, actuellement, ça va être la mi-temps et c'est encore 0-0 pour l'instant. 0-0 pour le moment, d'accord. 0-0 pour le moment. Et en France, il y a un match important ce soir, c'est la finale de la Coupe de France entre les Herbiers et le PSG. Les petits poussés, oui. Les petits poussés, les Herbiers, un club amateur de 3ème division nationale. Un club de Vendée, c'est même la première fois qu'il y a un club vendéen en finale de Coupe de France. Ah, ben, ah oui, ils ont affrété je ne sais combien de bus et ils étaient tous derrière leur équipe. Ouais. Ah, ils jouent à Toulouse. Non ? C'est rien, moi. N'importe quoi. Mais y a pas eu un match à... Ah, ils jouent en Vendée. Ah bah je sais pas. J'en sais rien. Mais je sais pas, moi. Et... Mais Ligue 1, Division 1, non, je comprends rien du tout à votre sport là. Quoi, les petits poussés là. C'est quoi les petits poussés? Bah, c'est en des... fait, c'est des joueurs amateurs. Oui, vraiment. Ils ont un travail derrière le foot comme toi, moi, ceux qui nous écoutent ici à l'antenne. Ils travaillent derrière et le foot c'est une passion qu'ils ont derrière. D'accord, et là ils vont jouer contre des professionnels alors. Bah, contre. Mais je n'en sais rien, moi je ne sais pas. Contre des ultra professionnels, on va dire, parce que le PSG, c'est la PSG machine à gagner en France. Pour l'instant, ah, c'est oui. Mais ils n'ont pas intérêt de perdre alors, parce que vous imaginez un peu si le PSG perd. Je vais t'expliquer la différence entre le excellent. PSG et les Herbiers. Ouais, bah tu lui expliqueras hors antenne, hein, parce que je crois qu'on est en train de perdre tous nos auditeurs avec vos conneries. Alors, moi, ce que je te propose, tu vas me l'expliquer hors antenne, mais par contre, tu nous rappelles quand est-ce qu'on peut t'écouter, effectivement, sur les ondes. Chaque lundi, 19h-20h, pardon. Donc, chaque lundi, 19h-20h, le nom de l'émission ? Excel Foot. Excel Foot, et bien évidemment, donc avec Nicolas, tu restes un petit peu avec nous ? Pas de soucis. Allez. Allez, on se retrouve après ça. sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Et on vient d'écouter dans 120 au compteur, c'était Keane avec Somewhere Only We Know. Ça date de 2004. Ah ouais, beau, j'adore ton accent, mais vraiment, je te remercie, je suis fan. Non, les mopettes, là, vous avez fini. Mais alors, ça, il faut savoir que Keane, c'est un groupe, donc un groupe anglais, et ils ont la particularité de jouer sans guitare. Ils ont un clavier, une batterie, une basse, mais ils n'ont pas de guitare dans le groupe. Pas assez de thunes. Non, je crois pas. Ou pas assez de membres qui jouent, mais. Non, mais c'est une de leurs particularités, c'est de jouer sans guitare. Donc, ah ouais. Tous leurs titres sont faits sans guitare. Bah, ça manque pas. Non. Parce que quand on voit le résultat, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Alors, et effectivement, c'est aussi la vocation de notre émission, c'est de parler des événements qui nous entourent et qui nous tiennent à cœur, évidemment. Il y en a un, rappelez-vous, puisqu'on avait reçu il y a quelques semaines Véronique de l'association Un rêve, une étoile et tout est possible. Oui, bravo. Et oui. Et donc, je vous rappelle que ce samedi-ci, il va y avoir quand même un super spectacle, un repas spectacle avec trois artistes qui vont fouler la scène. Il y aura Mélanie Bonfito, qui était avec nous, absolument, et qui a une voix mais merveilleuse. Il y aura Fabrizio Zeva aussi également qui sera là, qui je pense est en préparation ou il a bientôt terminé son album. C'est prévu pour cet été, je crois. Oui, il me semble. Ouais. Il en avait parlé. Il y aura également Bruno Djaran. Donc ça se passera le 12 mai, ce samedi-ci, donc à partir de 19h. Salle de la Grange, donc c'est à deux pas d'ici, bien évidemment. Donc repas spectacle avec au menu donc un buffet campagnard, assez crudité, dessert. Dans le micro, café. Pardon. Quoi ? Tu peux parler dans le micro parce que je vois que t'es en train de baver sur l'affiche, mais. Oui, mais c'est parce qu'il y a Mélanie, forcément. Quand je vois Mélanie, moi je perds tous mes moyens. Donc voilà. Donc si vous voulez plus d'informations et s'il reste encore des places, je l'espère, eh bien vous allez directement sur la page Facebook de l'association. La page c'est Un rêve, une étoile. Il y a pareil, tout est possible. C'est Un rêve, une étoile. Voilà, vous allez retrouver évidemment les informations sur Facebook. Le nom de la soirée s'intitule Rêve de musique. Sinon, vous pouvez appeler au numéro suivant, le 0497 89 85 24. Je répète, 0497 89 85 24. Arrête de te moquer, toi. Non, du tout. Et si les gens veulent appeler de France? Oui, ils font le 0032 497 89 85 24. C'est très bien. Moi, j'y serai à la soirée d'ailleurs. Je vous raconterai la semaine prochaine. Tu nous tiendras au courant. On essaiera d'y faire un saut, évidemment. Mais bon, j'aurais promis que j'y serais. Voilà. Ah, écoute, tu nous en parleras. Je ne sais pas si tu connais l'association, Marine. Tu n'allais pas là. C'est franchement une association qui œuvre que pour les enfants. Voilà. Donc ils récoltent les fonds et leur permettent tout simplement de faire des sorties, des parcs d'attractions, des concerts aussi également. Voilà, donc d'emmener des familles. Et ils organisent régulièrement des événements dans la région, dans le Mouc-Renois. Pas mal de concerts, des spectacles. Et vraiment, ça en vaut le détour. Franchement, il faut les soutenir. Tout l'argent est pour les enfants. Hein. Voilà, c'est vraiment, absolument, absolument. Alors je ne sais pas si Nicolas, tu connaissais. Oui, je connais. D'ailleurs, ils ont même offert le voyage à Disneyland pour la petite Kira. C'est ça. Absolument. Absolument. Ici, ils œuvrent vraiment pour les enfants malades et pour tous les enfants défavorisés. Donc c'est à noter, le 12 mai à partir de 19h, la salle de la Grange à Moucron, plus d'infos, page Facebook, et puis nous on partage aussi sur notre page 120 au compteur sur RLM. Je vous raconterai la semaine prochaine. Toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, on est de retour sur RLM dans l'émission 120 au compteur. Et je vais vous parler des sorties cinéma pour demain pour la Belgique et pour la France. Et je vais commencer avec la Belgique, avec le film Dans la brume. C'est avec Romain Duris, Olga Kurylenko et Fantine Arduin. Ah oui, mais oui, oui, c'est absolument. C'est un film de Daniel Roby. Et ça, c'est sorti en France déjà depuis le 4 avril. Donc ça se passe le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris. Des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans information, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe. Mais les heures passent et un constat s'impose, les secours ne viendront pas et il faudra pour espérer s'en sortir tenter sa chance dans la brume. Alors Fantine joue le rôle d'une petite enfant bulle. Ah oui. En fait, elle est en gros enfermée dans une sorte de caisson, un caisson, c'est une enfant-bulle. Caisson hyperbare, ouais, voilà. Non, mais pour ceux qui connaissent pas les enfants-bulles, oui, en fait. Hein. Et donc, ben, elle est protégée pour l'instant de cette brume qui est arrivée en fait à son étage. Ses parents ont dû se réfugier plus haut. Et malheureusement, ben, l'oxygène qu'il y a dans sa bulle commence à se raréfier, donc son père va tout faire pour l'en sortir et pas mourir forcément. D'accord. Alors, rappelons quand même, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais Fantine Arduin est du cru, puisqu'elle est moucronoise, c'est une petite gamine moucronoise, c'est la fille de Laurent Arduin. Et franchement, très humble et adorable. Oui, oui, absolument. Et moi, j'ai hâte de le voir, ce film, vraiment. Bah rien que pour ça, oui. Oui. C'est ça, rien que pour je pense aussi, ouais. Même s'il est français, tiens, pour le coup. Oui. Alors, on continue avec le film Sans un bruit, qui pourrait te plaire, je pense, Harry. C'est avec Emily Blunt, John Krasinski et Noah Jupe. C'est un film de John Krasinski, ça sort en France le 20 juin. C'est une famille qui tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S'ils vous entendent, il est déjà trop tard. Oh là là, le c'est scénario cool. Bidon là. Ben, dans la bande-annonce, c'est un peu spécial. C'est oui. Que ben, au début, quand j'ai écouté, je fais mince, mes enceintes ne fonctionnent plus. Mais c'est ça. Je fais, il n'y a pas de son. Ben, non, ouais, alors au début de la bande-annonce, en fait, t'écoutes, tu fais, mais il n'y a pas de son en fait dans ce truc où c'est mes enceintes qui ne fonctionnent pas. Mais en fait, si, ils font tomber un truc et là, tu vois tout de suite le père qui fait. Et on comprend qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il se passe quelque chose dès qu'il y a un bruit, en fait. C'est ça. Apparemment, il y a des créatures peut-être surnaturelles qui viennent peut-être pour tuer tout le monde. Ouais. Comme je sais que tu aimes beaucoup les. Ouais, enfin, il faut quand même qu'il y ait un scénario qui soit construit, quoi. Enfin, bon. Comme ceci, tu partis. Comme ça. Ah oui, mais ne riez pas, je l'ai vu hier soir. À 4h du matin. Ah oui, mais je vais vous le ramener si vous l'avez pas encore vu. Il faut le regarder, Sausage Party. Et en plus, j'ai découvert que j'avais la version québécoise, donc beaucoup plus hard que la version. Moins censurée qu'en France. Marine doit connaître Sausage Party. Non. Non, je te prêterai pour qu'elle regarde. C'est une version plus pour les adultes. Ouais. Oui. Alors c'est à la Disney, hein. Vraiment, c'est vraiment très très bien fait, on dirait un film de Disney. Lui, fan, hein. De toute façon, ça démarre comme mais il faut pas mettre ça entre les mains d'un gamin. Bon, alors il y a deux lectures possibles, hein. Vraiment. Oui, voilà, l'adulte comprend très bien, il y a des allusions, l'enfant peut comprendre autre chose. Je pense que si. Bon, même s'il a été interdit au moins de 16 ans, mais c'est la fin en fait qui est un peu gênante. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on se retrouve après ça. Je vous parlerai des gentilles françaises. Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong, and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Impossible. remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Show them all I know. Que vous aimez, c'est sur RLM. Et c'était James Arthur avec Impossible. Alors James Arthur, c'était le gagnant du télécrochet X Factor en Angleterre. Ah ouais, qui existe en France aussi, non? Alors ça a existé, maintenant je pense qu'ils le font plus. Non, je pense pas, ça a duré quelques temps, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Et alors cette chanson est une reprise de Chantel, qui est une artiste barbadienne. Barbadienne, qui vient de la Barbade, comme Rihanna. Ah, mais Rihanna, elle vient de la Barbade. Je sais même pas où c'est la Barbade. C'est dans les îles. Ah ouais. Ouais. T'en parles pas, non. Très luxurieux. Bon. C'est vrai, c'est non, mais Marine, toi qui as fait la géographie, évidemment, la Barbade, ça se trouve où? Nicolas, toi qui es un imminent géographe, la Barbade, ça se trouve où? Ça se trouve où alors, la Barbade? Bah, c'est les pays. Ouais, d'ailleurs, on a bien compris, il y a des îles, mais où? Hein, Amérique. Dans les Caraïbes peut-être? Ouais, je pense. Ouais, certainement ça dans les Caraïbes. Ouais. Et il y a beaucoup de papas là-bas, les Barbades papas. Tu connais? Oh là là. T'as déjà dit, Sherlock, tu peux faire ce genre de blague à partir de 22h. Après le top horaire. Ok, d'accord. Mais bon. Hors antenne. Ça marche. Bon, alors je vais vous parler des sorties France. Ouais. Donc les sorties France avec le film Death Wish. Avec Bruce Willis, Vincent D'Onofrio et Elisabeth Chou. C'est un film de Eli Roth et ça sort également en Belgique demain. Donc Bruce Willis, qu'on n'avait pas revu dans un film d'action. Depuis longtemps déjà. Depuis un bout de temps, oui. Mm-hmm. Vincent D'Onofrio, pour ceux qui connaissent, il a joué récemment dans la série Daredevil. Ouais. Et il y a dans une série policière aussi. Oui, c'était New York police judiciaire d'État de nuit, Midnight machin là. Oui, mais j'adore. C'est ça. C'est costaud. New York police judiciaire. Ouais, c'est ça. Ouais, et Elisabeth Chou qui a joué la petite amie de Michael J. Fox dans Retour vers le futur. Allez, waouh. Wow. Ah oui. Eh oui. Oui, mais dans lequel? Parce que c'est pas la même. Bonne question. Le 2 et le 3, il me semble. Ah. Alors, donc, et là, on parle de Death Wish, donc avec Bruce Willis. Et donc, quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, chirurgien urgentiste, mène une vie de rêve en famille dans les beaux quartiers de Chicago. Jusqu'au jour où tout bascule, sa femme est sauvagement tuée lors d'un cambriolage qui tourne mal. Sa fille de 18 ans est plongée dans le coma. Face à la lenteur de l'enquête, il se lance dans une chasse à l'homme sans merci. Et donc là, on va le retrouver dans un rôle... Alors je vais pas dire un peu à contre-emploi parce que il joue un peu l'anti-héros parce que là il est vraiment pas content et pas méchant. Ouais. Enfin, il est vraiment méchant, mais c'est quand même pour la bonne cause quoi. Il est là pour venger sa famille. Mmh. Ok. C'est son style, hein, c'est chouette. Ouais. Oui. Et je vais finir donc avec un film qui sort en France et en Belgique demain. C'est Monsieur Je sais tout avec Arnaud Ducré, Max Bessette de Malglaive et Alice David. C'est un film de François Prévost-Légoni. Et donc c'est Vincent Barthaud qui est joué par Arnaud Ducré, qui est un homme solitaire et très sûr de lui. Il entraîne une équipe de jeunes footballeurs au centre de formation de La Rochelle. Les enfants, c'est pas sa tasse de thé. Or, un soir, il voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu Léo, 13 ans, atteint du syndrome d'Asperger et joueur d'échecs émérite. Ils vont d'abord se jauger, se fuir avant de s'épauler pour avoir une vie meilleure. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie. Donc il va accueillir un petit autiste chez lui. Film français, hein. C'est ça, c'est un film français. Ouais. Ça a l'air sympa, franchement, ça a l'air vraiment sympa. Ouais, parce si que, ben, tourné, en gros, le neveu donc, d'Arnaud Ducré dans le film, comme il est autiste, lui, il prend le foot pour des échecs. et il lui donne des tactiques d'échecs pour jouer au foot. Ouais, ça peut être sympa. C'est assez romancé, mais je pense que ça peut être sympa. C'est comédie, mais comédie dramatique. D'accord. Allez, tour de table. Onissa, t'irais voir quoi? Bruce Willis. Ah, non, mais alors dans quel... Death Wish. Death Wish. Nicolas, t'irais voir quoi? Le dernier film que l'ami vient de présenter, là. D'accord. Ok. Ouais. Alors, rappelle-nous le titre. Alors, donc, le titre, c'est Monsieur Je Sais Tout. Ah oui, ouais. Marine? Bruce Willis. C'est vrai. Ouais. Ah ouais. Rien que pour l'acteur. Ah ouais. Ben moi, je suis désolé, j'irai voir Dans la brume, obligatoirement. Ah oui, Fantine, bien sûr. Mais oui, rien que pour voir. Moi, je crois que j'irai en voir plusieurs, en fait, parce qu'il y en a plusieurs qui me tentent. Ouais, ouais. Mais par contre, ton deuxième film là, d'épouvante, là. Ouais. Sans un bruit, c'est non, pas grave. Ouais, ouais, ça me botte beaucoup, moi. Ok, bon, bah c'est pas grave. Bah écoute, on va se retrouver tout de suite après ça. Et bien, juste après la coupure musicale, je vous parlerai d'un casting pour une troupe de comédie musicale qui est juste derrière la frontière. Et là, ça va se lancer. Donc, si vous avez l'âme chanteur ou l'âme danseur, bah, je vais vous en parler juste après. Ça marche. Ok. Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment. Qu'un beau jour, c'est une impasse. Et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent. Tout refait surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps. Qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant. Pour regarder en arrière, revenir en souriant. En gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire. Qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Ce que je sais par cœur. Beau malheur. Tu me dis que rien n'efface, ni la craie, ni le sang. Qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans. Qu'on peut dire trois fois hélas, que personne ne l'entend. Comme personne ne remplace qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps. Que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement. Qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant. Qu'après tout la voix se perd mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire. Qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré. Que j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher. Que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants. Que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc. Que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps. Que c'est comme un sortilège d'être seul à présent. Je peux seulement te dire, il m'a fallu la peur pour être rassuré. Et j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher. Et j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Ce que je sais par cœur. Pour malheur. RLM 107.9 FM. RLM. C'était donc Emmanuel Moire avec Beau Malheur. Eh ben j'aime bien. Oui, bah moi ouais, aussi. Ouais, sinon je l'aurais pas passé. Mais, hein? Sinon je l'aurais pas passé. Oh, des fois, il y a des titres, on se demande. Hein. Quand non, mais j'aime bien quand même. Ouais, mais j'aime bien quand pour même. Pour le coup, c'est vrai qu'il a une belle voix, mais on l'entend plus, Emmanuel. Ben, on l'a vu beaucoup après Danse avec les Stars, mais depuis, c'est quand même. Oui. Bah, ouais. Il est peut-être en train de refaire un album. Hein. Ouais, ouais, il est bien sorti d'une comédie musicale, lui, hein, c'est ça. Oui, hein, le Roi Soleil. Ah, le Roi Soleil. Le Roi Soleil. Le Roi Soleil. C'est lui qui joue le roi. En concurrence avec. Christophe Maé. Non, non, tu parles. Comment il s'appelle? C'est eux aussi, un de ses partenaires. Il les mettait toujours en concurrence tous les deux. Ah. Dans la comédie musicale? Non. Ils ont démarré leur carrière à peu près en même temps. Ah, Christophe Maé. Ouais, c'est Christophe. C'est Maé. Ça. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, ben, ils jouaient tous les deux dans Le Roi Soleil. Lui jouait le roi et Christophe Maé jouait le masque de fer, donc qui était normalement le frère du roi. Oui. D'accord. Et ben ça tombe bien, c'est une belle transition, on parle de comédie musicale. Oui. Bien choisi. Alors, vous devez peut-être connaître, à quelques kilomètres d'ici, à la frontière belge, on est juste à côté, hein, bien sûr, à Waterloo, il y a une troupe qui existe depuis plus de 35 ans, qui s'appelle la troupe Évasion Spectacle, oui. Et qui tourne dans toute la région avec, alors on a fait, je dis on parce que j'en fais partie, effectivement, il y a Canon aussi qui en fait partie, et on a fait des tournées un peu partout, dans toutes les salles, on est allé faire même des zéniths, des grandes salles, enfin on a fait pas mal de choses, pas mal de spectacles. On a démarré par des spectacles d'ailleurs qui ont été parrainés par Michel Fugain, pour la petite information, mais je vous parle de ça il y a 35 ans bien évidemment, on a fait différents spectacles type le dernier en date c'était So Magic, oui. Et là on est en préparation donc d'un nouveau spectacle et on a besoin tout simplement de chanteurs et danseurs. Alors on s'adresse pas aux demoiselles puisqu'en fait on en a suffisamment, mais on s'adresse exclusivement à la gente masculine. Alors si vous avez l'âme chanteur ou l'âme danseur, si vous avez allez, du talent quand même, un peu de talent, et que vous avez envie tout simplement de rejoindre une groupe bien sympathique, familiale et qui tourne pas mal durant toute l'année dans la région, même en Belgique, eh bien il va y avoir un casting qui va avoir lieu donc d'ici quelques semaines. Si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la page Facebook officielle donc de la troupe, et qui s'intitule Troupe Évasion Spectacle. Et là vous allez voir toutes les informations. Je crois même que j'ai partagé l'annonce sur donc la page officielle de l'émission, 120 au compteur. Donc si vous avez envie de chanter, si vous avez envie de danser, eh bien, il y a des rôles à prendre, des beaux rôles, je peux vous le dire, pour un spectacle. Il y a une moyenne d'âge ou pas? Non, du tout. Alors bien sûr, évidemment, il faut être valide. Non, mais adulte ou ado ou... Non, alors oui, alors il y a quand même des prérequis, dire, oui. Effectivement, comme ce sont des spectacles qui peuvent durer jusqu'à 11h, minuit. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit des garçons de plus de 15-16 ans, quoi, parce qu'effectivement, après, quand ils ont un cursus scolaire un peu particulier, c'est pas toujours évident d'allier les deux, puisqu'il y a des répétitions tous les vendredis, tous les samedis, donc évidemment, c'est un peu compliqué. Mais non, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. On va dire que vous pouvez venir à partir de 16 ans jusqu'à 77 si vous voulez, hein, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Donc, alors, est-ce qu'il faut forcément savoir danser si on chante? Non, pas du tout. Du tout. Alors, le principe dans la troupe, c'est qu'effectivement, le nec plus ultra, c'est d'être comédien, danseur, chanteur. Ouais, tout le monde ne sait pas chanter. Bon, en l'occurrence, pas du tout. On l'a déjà entendu. Si vous êtes comédien, si vous savez occuper la scène, si vous savez avoir une prestance, avoir de la prestance, du charisme, tout comme Canon d'ailleurs, je le salue au passage. Oui. On lui fait des gros bisous. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez en faire, si c'est votre passion et que vous avez envie de vous produire sur des scènes bien sympathiques dans un spectacle qui est en train d'être écrit là et qui va voir le jour avant la fin de l'année, surtout n'hésitez pas, donc je répète, sur la page officielle, donc la page Facebook Troupe Évasion Spectacle. Voilà. Ok. Et bon, on va revenir juste après un petit biscuit avec Sunset Lover. Ah, j'aime beaucoup ça. Ouais. Thank you. Fabian avec Tu es mon autre sur 120 au compteur. Ouais, c'est vrai que c'est une très très belle chanson et ça nous fait doublement de la peine parce qu'elle avait une super belle voix et elle nous a quitté, donc on le rappelle brutalement. Voilà, donc la semaine prochaine on fera un hommage beaucoup plus complet hein, parce qu'effectivement on a vraiment vraiment été pris au dépourvu, on s'attendait pas du tout à ça. Donc voilà, donc Morane qui nous a quitté et puis la semaine d'avant aussi on n'a pas eu de chance non plus. Oui, Rose Laurence, ouais. Rose Laurence également. C'est les 4 tombes en ce moment. Ouais, en ce moment donc, voilà, on perd quand même pas mal. Ouais, absolument. Donc voilà. Eh bien, il nous reste quelques minutes, une poignée de minutes, tout simplement pour rappeler qu'on peut retrouver donc Nicolas pour Excel Foot hein, tous les lundis soirs. Donc de 19h à 20h. 19h-20h, c'est ça, juste après Funkantology. Voilà, donc juste après Funkantology, on pourra peut-être, on l'espère quand même, et on croise des doigts, je pense que oui, retrouver Marine bientôt sur l'antenne de RLM. Ah, nous aussi, on espère. Voilà, ouais, donc. Alors, on n'en dit pas plus, hein, parce qu'effectivement, on n'est pas dans les petits papiers, hein, n'est-ce pas ? Oh, quelle expression aussi. Oh là là, on n'est pas dans les petits papiers, on ne sait pas encore, mais voilà. Ceci dit, demain matin, ne ratez surtout pas donc, les matinales de notre ami Arano. Oui, voilà. Ouais. Donc, de 7h à 10h sur les ondes de RLM. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain, hein, même heure, même antenne, bien évidemment, 20h, 22h, 120 au compteur avec Odissa. Yeah, bonne soirée, bonne semaine à tous, gros bisous. Marine, bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne chance. Merci. Et tu repasses quand tu veux dans l'émission, hein, y a aucun avec souci. Plaisir. Ouais, voilà, moi je ramènerai mes chemises pour qu'elle repasse. Bon, je vais peut-être pas revenir. Non, mais repasse quand tu veux. Compagnie. Tu es la bienvenue, ouais. Tout comme Nicolas d'ailleurs. Et toi aussi, Sherlock, hein, tu reviens quand tu veux. Oui, y a la semaine prochaine, absolument. J'essaierai de revenir la semaine prochaine. Ça marche. Ah ben, d'ici Paris, à toi aussi, on te fait des gros bisous quand même. Oui, j'adore. Et repasse quand tu veux aussi. Il n'y a pas de souci. Eh ben, écoute, ça marche. Eh bien, portez-vous bien et restez bien sûr à l'écoute de RLM. gros 107.9 FM. Yeah. Ouais, non, mais cherchez le slogan, je sais pas lequel je vais sortir là. Alors, c'est toujours aussi bon. Oui, et c'est encore meilleur avec 120 au compteur. C'est ça. Oh, ouais. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.